Lorsque le peuple ne craint pas les choses redoutables, ce qu'il y a de plus redoutable, la mort, vient fondre sur lui. Gardez-vous de vous trouver à l'étroit dans votre demeure. Gardez-vous de vous dégoûter de votre sort. Je ne me dégoûte point du mien, c'est pourquoi il ne m'inspire point de dégoût. De là vient que le saint se connaît lui-même et ne se met point en lumière. Il se ménage et ne se prise point. C'est pourquoi il laisse ceci et adopte cela.